tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Si on chantait, une série d'Olivier Chomel réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a le plaisir de fredonner, de reprendre tous ensemble ou de tout donner au karaoké. Et puis, il y a la joie d'écouter un chœur de jeunes voix, même si ça sent bon, la nostalgie. Alors pour commencer, les personnages. Le fantôme d'Eddie Barclay, un chef de chœur, une cuisinière qui n'est jamais repartie, d'anciens chanteurs, une fille de Poppies, Johnny, le patron, un fondateur légendaire et des petits chanteurs. Ensuite, le décor. Un car, une salle de répétition, anière de la technique des studios, le showbiz, des tournées, une colonie de vacances, une grande maison, des dortoirs, des tournées en RDA, que des garçons, la mère, des projecteurs, le trac et des fans. Aujourd'hui, premier épisode, ça glousse. Qu'est-ce qui te fait rire, Alban ? Rien. Ah si, il y a un truc. Donc voilà, il y a Alban et puis Léon. Vous avez fait quoi comme activité ce matin ? On a fait foot et tennis, basket. Lui, il a fait activité manuelle. Hein. Non, j'ai fait foot. Ah bah, toi, t'as fait tennis, moi, j'ai et fait basket. Tennis et basket. D'accord. Bon, celui qui a fait foot, tu t'es douché ? Non, pas encore. Pas encore. Et tout le monde est venu en autocar depuis Anières. Oui, oui, oui. Ouais. L'histoire des Poppies et même de la genèse des Poppies remonte à pas mal d'années. Jean Amoureux a consacré toute sa vie à faire chanter des enfants. Les Poppies sont nées d'une idée d'Eddie Barclay, d'une part, du talent d'un compositeur qui s'appelle François Bernheim, d'autre part, et puis du fait que j'animais déjà à l'époque un groupe d'enfants qui chantait, qui s'appelait les Petits Chanteurs d'Anières, qui s'appelle toujours aussi les Petits Chanteurs d'Anières. Mais n'empêche que l'idée des Poppies, elle est restée, et que lorsque nous faisons actuellement des galas à droite et à gauche avec les Petits Chanteurs d'Anières, à chaque fois, bon, on se présente sous la double étiquette Chanteurs d'Anières et Poppies, et à chaque fois, inévitablement, à la fin des spectacles, qu'est-ce qu'on nous demande ? C'est Noël Isabelle, je t'aime, je veux dire, et puis, non, rien n'a changé. C'était une aventure qui nous a propulsés vraiment très, très loin et très haut. Si on chantait. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. Si Olivier Chomel, Marie-Laure Ciboulet. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a les continué. Les petits chanteurs d'Anières et les Poppies. Non, rien n'a changé. Tout a continué. J'aurais bien aimé, Christian Germain, qu'on fasse le tour de la salle de répétition en s'arrêtant devant des objets qui colportent un petit peu l'histoire du... Beaucoup de souvenirs, je pense. Alors effectivement, on se retrouve dans notre local de répétition que la mairie d'Anières nous a donc prêté pour nos activités depuis 2012, c'est cela. Avant, on avait notre local qui était situé rue Jaffeux, plutôt à Gennevilliers qu'à Anières, mais on était toujours les petits chanteurs d'Anières, bien sûr. Et c'est là qui est parti, effectivement, dans ce local, les petits chanteurs d'Île-de-France, les Poppies et tous les groupes et tous les succès, etc. C'est parti de là-bas. Il y a beaucoup d'affiches. Alors, des Poppies. Il y a beaucoup d'affiches. De plusieurs époques. Alors, on y voit, oui. Peut-être aller voir celle-là. Celle-là fait partie d'une des plus anciennes, donc avec les Poppies de la première génération. Ça doit être un an après, ça n'a rien à changer, cette affiche-là. Ils ont un look voilà. Assez fantastique. C'est l'affiche blanche là-bas, qui est vraiment, c'est ceux qui ont enregistré, n'ont rien à changer, Isabelle Je t'aime, tous les tubes, chansons pop, La Vieux Bof Amour, tous les tubes des années 70 et 71, voilà. Attention, on y va. C'est le début. C'est parti. Allez, vous êtes filmés, là. Un bel été, l'air est pur, le ciel est admirable. Vous remontez de la plage en direction de votre villégiature et à l'entrée de la résidence des Flots Bleus, Une affichette sérigraphiée vous apprend que le soir même, les petits chanteurs d'Asnières se produisent sur le podium installé devant le yacht club à 20h. Chérie, faut qu'on aille voir ça, dites-vous. Le soir venu, après les langoustines et les rillettes de sardines vite avalées, vous êtes au rendez-vous parmi 200 ou 300 badauds. Les derniers réglages s'achèvent et c'est parti. Ça sonne pop-rock, nostalgique comme il faut, plutôt intéressant. Le coucher de soleil est sublime. Les petits chanteurs sont sur scène depuis 1h30. L'orchestre envoie la sauce, les voix des garçons sont au meilleur de leur justesse. Tout ça est diablement en place et vous êtes presque un peu déçus. Parce que dans votre mauvais esprit pollué d'ironie mal placée, vous vous disiez que vous alliez assister à une prestation délicieusement ringarde. Mais c'est tout autre chose. Vous vous surprenez même à être sincèrement touché, et vous avez d'ailleurs repris un refrain tout à l'heure. On comprend mieux quand on sait qu'il y a un demi-siècle, les prédécesseurs de ces petits gars, sous l'appellation Poppies, ont fait 2 disques d'or. Les petits chanteurs d'Asnières, c'est artisanal et associatif. La boutique existe depuis 1946. C'est même le président de l'association qui fait le son en tournée. Chanter, pour moi, ça me permet de m'évader. Et en fait, ce qui est bien avec le chant, c'est qu'on peut le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même si je suis là, par exemple, là, je peux chanter. Si je suis dans la cour de récréation, je peux chanter. Donc. Même tout seul? Oui, même tout seul. Ou alors avec mes amis. Ça fait combien de temps que tu es dans les petits chanteurs d'Asnières, Maxime? Ça doit faire 3 ou 4 ans. Enfin, je suis arrivé en 2017. Est-ce que tu connaissais l'existence de cette chorale et ce que les petits chanteurs d'Asnières et les Poppies ont pu faire il y a presque 50 ans maintenant? Il y a 50 ans, ils ont sorti plein d'albums, je sais. Notamment, ils ont sorti une chanson très très connue qui s'appelle « Non, rien n'a changé ». Que tu connais, bien sûr. Oui. C'est un peu la particularité des petits chanteurs d'Asnières, c'est qu'il y a un passé assez glorieux, quoi. Oui. Et puis vous faites des disques, des plateaux télé. Je crois que vous avez enregistré un disque avec Jane Birkin il y a quelques mois. Ouais, il n'y a pas longtemps, on a enregistré avec Jane Birkin. C'est son album, je crois, avec Étienne Dao. Et du coup, on a chanté 3 chansons, je crois. Tu y étais? Oui. Ouais. Comment ça s'est passé, l'enregistrement, pour le disque de Jane Birkin? Et qu'est-ce que vous avez chanté? On a été très bien accueillis, déjà. Et on a chanté... Jeux interdits, Ghost, et la dernière, je me souviens plus. Et ça faisait quoi? She's the only one for she can up and she can... Non, c'était cool. C'était dans un grand studio à Paris? Oui, je sais plus comment il s'appelle le studio, mais il était énorme. Thomas, généralement, les petits chanteurs d'Asnières... C'est une aventure de l'enfance, mais il y en a qui s'accrochent. Tu as quel âge? J'ai 25 ans et je suis rentré dans la chorale des petits chanteurs d'Asnières. J'avais 6 ans et demi, donc depuis 2001, je fréquente cette chorale. C'est pas l'enfance de tout le monde d'être aux petits chanteurs d'Asnières, parce qu'on est dans un monde qui est presque professionnel, sauf qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Que je sache, il y en a eu un peu dans le passé. Puis c'est la fréquentation du show business. Exactement, oui. Mais nous, quand on rentre dans cette chorale, on y va surtout pour apprendre à chanter, apprendre à respirer. On apprend plein de techniques. On est surtout focalisé sur la technique vocale. Puis ensuite, on agrandit notre culture musicale. On apprend plein de nouveaux chants, chansons françaises, variétés internationales. On explore tous les styles de musique différents. Et c'est avant tout du plaisir. On n'est pas là pour chercher à se démarquer les uns des autres, à vouloir devenir célèbre plus tard. Non, c'est l'ambition, ça peut exister quand même. Ça peut exister, oui, bien sûr, je ne le nie pas, mais à cet âge-là, on est vraiment focalisé que sur le côté musical, les concerts, les activités, même les tournées aussi. Bon, ça reste aussi quand même quelque chose de professionnel, forcément, mais dans notre envergure à nous, les petits chanteurs d'Asnières, quand on va faire quelques concerts à droite à gauche, que ce soit en Alsace, en Corse au mois de juillet, ou même en Guadeloupe, à La Réunion, à Tahiti, à l'île Maurice. Ça reste vraiment de très grands voyages, c'est du plaisir avant tout. Mais on n'a pas le côté showbiz, strass, paillettes derrière. Non, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment des vacances. C'est une colonie de vacances. Enfin, il y a la colonie quand on est en vacances scolaires à Birmanie et un peu la colonie pendant les grandes vacances où le matin, on va faire des activités, on fait des visites l'après-midi et hop, le soir, on se retrouve à chanter devant 500, 1000 personnes. Voilà, enfin, pour des gamins, c'est exceptionnel de pouvoir allier plaisir, passion du chant et tout en mettant un peu de professionnel là-dedans, quoi. On est une famille. Les petits chanteurs, c'est une famille avant tout. Comme une on... famille avec que des garçons. Oui. Et du coup, quand on fait les tournées, dès qu'on va à Birmanie et tout, on est toujours très contents d'y être. On s'éclate et c'est vraiment bien. Birmanie, c'est quoi ? C'est une colonie de vacances qu'on fait souvent aux vacances, par exemple en octobre, pour Halloween, à Pâques. Et en gros, on est tous ensemble. Et c'est une maison qui appartient à l'association Les Petits Chanteurs d'Asnières. Ouais, c'est une grande maison qui appartient aux Petits Chanteurs d'Asnières. Et du coup, on fait plein de jeux là-bas, on s'amuse vraiment. Et du coup, bah, là, je vais y aller en octobre. Et je pense que ça va être génial, comme à chaque fois. Bonjour. Bonjour. Bah, bienvenue. Bonjour. À Birmanie. Bah oui. Dans notre joli centre de vacances. Une vieille maison percheronne. Ah, c'est une vieille maison percheronne. C'était au départ, c'était une école tenue par des sœurs. Et ensuite, après, c'est devenu un hospice. Puis après, c'est devenu un centre pour accueillir des colonies de vacances, des jeunes. Nous, on y est venu très tôt, vers les années vers 64 à peu près. Et donc, on y venait en colo au mois d'août. Et au moment des poppies, quand il y a eu des royalties qui sont arrivées, eh bien, la maison... miraculeusement, elle a été mise en vente par les sœurs de Chartres et on s'est porté acquéreur et on a acheté cette maison et qui était destinée bien sûr aux enfants. On aura peut-être le temps de faire une partie de ping-pong. Ah bah oui. Bah, là pour l'instant la maison est bien calme, si vous pouvez remarquer. Vous aussi ? Ouais. C'est Jean Amoureux le portrait ? Oui. Fondateur des Petits Chanteurs d'Île-de-France et qui est devenu Petits Chanteurs d'Asnières en Île-de-France et qui est devenu aussi les Poppies. Voilà. C'est grande cette maison. Oui, oui. Donc je passe devant. Il y a des belles nappes à carreaux rouges. Il y a des vieux meubles. Il y a une âme dans cette maison. C'est... Il y a quelqu'un ? Nous avons notre chef cuisinière, Dani. Dani, alors. Dani, ça a été au départ une monitrice dans l'association. Moi, je l'ai connue, j'étais gamin. Et donc, c'est notre chef cuisinière avec une équipe de parents qui viennent donner un coup de main à la cuisine. Voilà. Là, on est en train de préparer notre repas ce midi, on va manger un bon bourguignon qui mijote depuis je ne sais pas combien de temps, depuis la veille. Et puis voilà, donc mon aide de camp, elle est en train de mettre la table. Et puis on va se régaler à midi, j'espère. Puis bon, on est bénévole, hein, donc il n'y a pas que ça. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des couchages, du lavage. Voilà, mais bon, c'est une passion, c'est une passion. Et vous venez d'Asnières ou de ce secteur-là, des Hauts-de-Seine ? Oui, oui. Ouais. Ah ben moi, je suis née à Asnières, j'ai fait ma scolarité à Asnières, je me suis mariée à Asnières, parce que tous les enfants sont d'Asnières, Gennevilliers, Colombes, Bois-Colombes, sont tous autour, quoi. Il paraît qu'à Asnières, il y a trois monuments, le cimetière des chiens, le 22... c'est ça, le 22 Asnières. c'est le local de répétition. Donc voilà, alors là je vais vous faire passer par les dortoirs. J'espère qu'ils ont rangé leur dortoir. En plus, on commence par les plus grands. Donc c'est pas eux qui rangent le plus. Ah, salut. Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas à la douche? Oui. Allez. Est-ce qu'il y aura une répète? Bah, j'espère bien qu'il y aura une répétition. D'accord. T'as envie d'une répétition? Bah oui. Bah oui. Ah, tu me rassures, hein. Si tu m'avais dit, bah non, j'aurais été bien embêté. Là, comme il ne pleuvait pas, je les ai laissés un petit peu profiter, mais j'espère qu'il va pleuvoir, justement, pour les faire travailler. À votre avis, et rétrospectivement, comment est-ce que la sauce a pris à l'époque, en 69, 70, 71, Luc Risato? Je pense déjà qu'au départ, le président de l'époque... Monsieur Jean Amoureux, fondateur, s'est vite orienté sur des musiques beaucoup plus modernes. Il a eu la chance d'avoir Monsieur Barclay qui est venu à un concert une fois. Eddie Barclay, oui, et qui a entendu les petits chanteurs d'Anières et donc qui a d'un seul coup eu une idée et avec cette idée, a sorti ce groupe des Poppies et on a eu cette chance-là. Et c'est comme ça que c'est sorti. Nous, après, je vous dis franchement, Monsieur Jean Amoureux, quand il a enregistré son premier album avec Eddie Barclay, donc Noël 70, en vinyle, il ne pensait pas du tout que ça ferait quelque chose. Même pas sûr qu'Eddie Barclay pensait que ça ferait quelque chose. Ils ont essayé. Il avait plutôt de l'intuition quand même, cet homme-là. Il paraît. Je ne l'ai pas connu, moi, personnellement, mais il paraît qu'il savait trouver les artistes et surtout les idées. C'est parti à vitesse 600 à l'heure ou je ne sais pas combien, enfin à la vitesse de la lumière. De fil en aiguille, donc, on s'est de plus en plus spécialisé vers ces musiques de variété. Jean Amoureux, Archivina, 1995. Des reprises avec des artistes. On a fait les débuts de Nana Mouskouri, les premières parties, ou les enregistrements de Mireille Mathieu, enfin, tous ces gens-là. Petit à petit, on s'est fait connaître dans le milieu du showbiz comme étant la seule chorale d'enfants qui pratiquait ce style-là. Et c'est la raison pour laquelle, alors, en 70, lorsqu'Eddie Barclay a voulu former un groupe d'enfants qui attaque un répertoire carrément de revendications, très rythmé, un petit peu à l'image de ce qu'il avait vu aux États-Unis avec les groupes de petits blacks américains, qu'il s'est tourné vers nous pour former un groupe qu'on a appelé les Poppies, avec des chansons qui mettaient en cause la société telle qu'elle était à l'époque. On n'était pas loin de mai 68, après tout. Donc il était de bon ton de critiquer la société telle qu'elle était, sans y apporter forcément de solution. Mais enfin, on critiquait, c'était bien. Dans la poussière, il est beau. Il est sur la terre, les cheveux courts ou longs. C'est Jésus, révolution. Il chante Ave Maria en jean ou cravate sous bien militaire. Son nom, c'est Jésus, révolution. Je nous vieux mets son nom chez Jésus Révolution. Il mange quand il a le Christian Germain, chef de chœur des petits chanteurs d'Anières. Nous sommes à Miermaigne, dans le Perche, sur le lieu de vacances des petits chanteurs d'Anières. Il y a des vestiges, il y a là un panneau noir calligraphié, intitulé La vie du petit chanteur. Et ça date pas d'hier. Probablement d'un peu plus de 50 ans ou plus. Oh oui, facilement. J'ai toujours connu ce panneau dans notre ancien local des rue Jaffeux, qui était à Gennevilliers à l'époque. Et vous en faites la lecture? Ah oui. Alors, dans la semaine, après la classe, nous filons au local pour la répétition. Deux, le samedi, nous partons avec l'autocar de la Manécanterie. 3. Le dimanche matin, nous chantons dans de belles églises. 4. Quelquefois, nous prenons nos repas en plein air au milieu des bois. 5. L'après-midi, nous jouons, nous explorons ou nous avons d'intéressantes visites. Et le dimanche, donc 6. Le dimanche soir, nous rentrons heureux de nos activités, fiers de nos chants. Voilà. L'esprit était un peu scout, peut-être. Alors oui, parce que à l'époque, c'était vraiment une manécanterie, c'est-à-dire que c'était attaché à une paroisse. Jean Amoureux faisait répéter les enfants sur un répertoire plutôt classique, religieux, pour faire les messes, etc., pour faire quelques concerts avec quelques chants profanes. Et on est à la fin des années 40. Et voilà. Alors donc, c'était un petit peu dans l'esprit du patronage. Voilà, on occupait les enfants le jeudi après-midi, le jeudi toute la journée. Et puis les week-ends, il n'y avait pas tant d'activités que ça à l'époque, hein, dans les années 50, 50-60 à peu près. Alors il parle de l'autocar. Donc s'il y avait l'autocar, je pense que c'est plutôt dans les années 60, puisque Monsieur Amoureux avait passé donc son permis de transport en commun. Hein, il faisait chanter, il animait les activités de loisirs avec les enfants. Les jeux de piste, les veillées, enfin plein de choses. Et puis bon, bah, c'est vrai que il avait besoin de se déplacer. La manécanterie a acheté un autocar pour véhiculer tout le monde. Pour donc voilà. Voilà, pour les tournées. Oui, il conduisait pour les tournées, pour venir en colo. On partait avec notre autocar. Chauffer la voix tranquillement. Sur où? Ou très doux. Non, c'est toujours des hauts là. Oh. Très doux. On y va. 3, 4. Daniel Danglard, ancien des Poppies, a intégré la chorale à 14 ans, en 1971. On était souvent hébergés chez l'habitant, même pour des concerts en province. Hein, je veux dire, c'était très souvent une association, une paroisse. Alors on chantait dans une salle des fêtes. Il nous arrivait de chanter dans les églises le samedi soir et de faire la messe le dimanche matin. Après, les tournées d'été, c'était autre chose. Notamment, j'ai en mémoire les tournées en Allemagne de l'Est, où là, on arrivait comme des Occidentaux, avec les dollars et les marques de l'Ouest. Et là, on était des vedettes. Hein. Là, en Allemagne de l'Est, vraiment, on était vus comme des vedettes. Et en plus, par des gens qui avaient ce qu'il fallait, mais pas complètement quand même. Donc, je vous parle de ça, c'était dans les années 80. Et là, c'était un concert tous les deux jours, Magdebourg, Dresde, Berlin-Est, Riza, une ville caserne soviétique, Leipzig, Rostock, enfin voilà, c'est les grosses villes d'Allemagne de l'Est, on les a toutes faites dans des salles gigantesques. Enfin, faut voir, les gens allaient au concert. Voilà, c'est les tournées, effectivement, en Allemagne de l'Est, c'était un rythme assez soutenu. Et musicalement, par contre, là, ils avaient du matériel, ils avaient des salles acoustiquement très bien fichues. Et ils étaient très, très pointilleux. Et les Allemands de l'Est avaient l'habitude d'aller à des concerts classiques, à des concerts tout court. Et ils avaient l'oreille musicale. Hein. Donc, fallait chanter. Voilà, fallait pas faire l'andouille comme en France, par exemple. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est les tournées. Robin. Parce que c'est chaque été, à peu près à la même période, on part tous ensemble pour 2 ou 3 semaines. On arrive, on défait nos bagages, en sachant qu'on va bientôt repartir, c'est un timing très serré. On arrive sur les concerts, on fait nous-mêmes le matos, c'est-à-dire qu'on installe toute la scène nous-mêmes, on la démonte nous-mêmes, on fait notre concert, et voilà, je trouve que c'est un des meilleurs souvenirs, la tournée. C'est une période qu'on attend beaucoup. On bouge beaucoup, c'est, en général, on fait ça dans le sud, dans des beaux endroits, c'est vraiment génial. C'est une période qu'on attend vraiment beaucoup, on en parle longtemps à l'avance et on la prépare beaucoup. Pour moi, c'est la tournée, parce qu'on est dans le sud, il y a le soleil. On fait beaucoup d'activités comme la plage, tout ça. C'est à la mer. Ouais, souvent. Et c'est vrai que c'est assez serré, parce que tous les soirs, on a des concerts. L'après-midi, on a activité, il y a des répétitions, on fait le matos. Et pour moi, c'est vraiment la tournée, mon meilleur souvenir. Et quel est le public des petits chanteurs d'Anières et des Poppies, Daniel Danglard, que ce soit à Magdebourg dans les années 80 ou au théâtre municipal d'Anières? C'est un public familial comme il y en a pour d'autres vedettes, hein, enfants, parents et grands-parents. Quoi. C'est vraiment. Puis le répertoire se prête à ce public-là. Hein. en Allemagne de l'Est, c'était, il y avait, j'ai oublié Karl-Marx-Stadt aussi, hein, une ville bien connue. Qui s'appelle Chemnitz aujourd'hui. Voilà, exactement. L'hôtel où on a fait quelques bêtises d'ailleurs. Et c'était la première salle à Karl-Marx-Stadt où il y avait vraiment une acoustique remarquable. Et le public, bah, c'était les parents et les enfants, quoi. C'est vraiment la famille. Et en France, c'est pareil. Et je crois que c'est toujours pareil. Et c'est bien. Tu es belle, maman. Tu seras toujours rien que pour moi, symbole d'amour, figure de joie. Et tu peux compter sur moi. Alléluia. Maman, sur moi. Alléluia. Maman, tu es belle, maman. Et sur cet amour que j'ai pour toi depuis toujours, je jure, crois-moi, que tu peux compter sur moi. Les petits chanteurs d'Anières, c'est un cœur de garçon. Qu'est-ce qu'en pensent les filles d'Anières et de Colombes et de Gennevilliers? Bah, les filles de d'Anières, les filles du 92, les filles de banlieue, on va dire, bah, elles sont quand même, elles nous suivent, en tout cas, elles font partie de nos fans, c'est super. Bon, on a des fans féminines, des fans masculins aussi, on a beaucoup, beaucoup de fans. Le sous-entendu de ma question d'avant, oui, c'était, est-ce que c'est prestigieux localement d'être au petit chanteur d'Anières auprès des filles? Ah oui, est-ce qu'on a la cote? Bah forcément, on est très très très suivi pour la plupart de nos concerts, encore même maintenant aussi. Enfin, nos garçons qui ont entre 10, 12 ans, voire même les ados qui ont 14, 16 ans, bah, ils ont des fans aussi à la sortie des concerts qui leur demandent des photos, des autographes. Donc ça reste quelque chose de très gratifiant. Voilà, ils prennent pas pour autant la grosse tête, ils gardent les pieds sur terre et ils savent être reconnaissants envers les fans qui les suivent, quoi. Même à mon époque, pareil, on avait pas mal de gens qui nous suivaient, bon, des jeunes comme des moins jeunes, mais c'est ça qui fait la richesse de cet échange entre les fans, quoi. C'est sympa d'avoir pas mal de gens qui nous suivent au fil du temps, quoi. C'est sympa. Filles comme garçons, c'est cool, quoi. Vous êtes plus ou moins né chez les petits chanteurs d'Anières, Raphaël Danglard, et chez les Poppies. Vous êtes la fille d'un des Poppies. Oui, alors mon père est Poppies depuis même avant ma naissance, donc je pense que dans le ventre de ma mère, j'ai dû entendre les Poppies chanter, effectivement. Que je sache, les petits chanteurs d'Anières, c'est un cœur de garçon, et vous en avez fait partie. J'ai eu la chance de pouvoir à un moment faire partie du groupe comme un petit chanteur normal. Tout ça parce que, en fait, j'accompagnais mon papa aux répétitions, et puis j'étais assise sur le banc sur le côté et je les regardais répéter. Et voilà. Et moi, je me suis intégrée à ça, naturellement. Et on m'appelait la nénette à l'époque. Et j'ai jamais senti que ça pouvait, à un moment, poser un problème. Je m'amusais, j'étais une enfant. Moi, c'était mes copains, avant tout. J'avais mon groupe de copains. Après, le contexte a fait que je suis partie vivre en Martinique quand j'avais 13 ans. Et par la force des choses, j'ai quitté la chorale. Et quand je suis revenue, la décision a été prise que je ne réintègre pas la chorale. Parce que j'avais passé ce moment où, avec l'adolescence, je devenais une jeune femme et c'était plus compliqué. Et on me l'a fait comprendre, ça a été difficile, ça a été très difficile pour moi, mais quelque part, je l'ai compris, cette décision. On a craint que la présence d'une jeune fille pubère sème la zizanie au petit chanteur d'Anières, c'est ça? J'aurais pas semé la zizanie parce que, encore une fois, j'avais pas cette relation-là, si vous voulez, avec eux. Avant de monter avec eux sur scène, j'étais dans le public et je prenais les numéros de téléphone des filles qui venaient et qui me disaient véridique. Lui, je le trouve mignon, il s'appelle comment? Tu me le présentes? J'étais l'entremetteuse à 6 ans, 7 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Parce que je les connaissais bien, les potes qui étaient sur scène. Et je voyais les filles qui, elles, étaient comme des groupies et ça me faisait 3, beaucoup rire. 4. Rêve, rêve, rêve. C'est bien cette note-là, là. C'est, vous faites une autre mélodie. Rêve, rêve, rêve. C'est pas ça, hein. C'est rêve, rêve, rêve. Alors c'est sûr que c'est trompeur, parce que dans l'accord, il y a cette note-là. Mais cette note-là, c'est un enrichissement de l'accord qui est très important, qu'on appelle la septième ré de ta vie. Elle est très importante, cette note-là, donc il faut bien la choper. Ré. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4. Rêve, rêve, rêve de ta vie. Dans ton sommeil. Allez, on reprend sur lui dans ton sommeil. Maxime veut faire toutes les parties. Dans ton sommeil. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4. Dans ton sommeil, rêve ta vie, rêve ta vie, ton rêve. Voilà, encore une fois, et c'est bon. Thomas, quel est ton plus fort souvenir? C'est la fois où on a chanté avec Johnny Hallyday. On a chanté une chanson pour sa fille Jade qui s'appelle Mon plus beau Noël. Donc en 2005, on a rencontré Johnny en studio, son équipe, son entourage. C'était un très très bon moment. Il nous a tout de suite mis à l'aise. On était forcément très impressionnés de le rencontrer. Et cette collaboration ne s'est pas arrêtée là, puisque au-delà de l'album, il y a eu beaucoup de passages à la télé. C'était vraiment une très très bonne expérience, un très bon souvenir. Et je trouve que d'avoir eu l'occasion de le côtoyer, c'est... Nous, en tant qu'enfants, on regarde avec nos grands yeux, on se dit « Waouh, c'est pas rien, c'est Johnny Hallyday ». Donc on peut être sûr d'avoir su impressionner, on va dire, le taulier en quelque sorte. Donc c'était super, ouais. C'était un très bon moment. Ma première fois que je suis monté sur un plateau télé, c'était au départ très stressé, mais après c'était magique. Ouais. Comment ça? Bah, il y a tout le monde qui t'applaudit, il y a les caméras qui sont sur toi. Et franchement, ça fait quelque chose vraiment. C'est super inexplicable. Ouais. Plus que la scène? C'est différent parce que la télé, quand on était petit, on a tous déjà vu des émissions. Et quand on arrive petit sur un plateau de télé, on voit comment c'est fait. Et on voit que t'y a plein de choses qui sont pas montrées, surtout quand on est jeune, on se rend pas compte. Des caméras, de tout ce qui est refait. Ce qui est les maquillages, les backstage, tout ça, c'est assez incroyable au début. Et ça arrive assez régulièrement aux petits chanteurs d'Anières ou aux New Poppies de chanter avec des gens très célèbres. Ça vous est arrivé? Ouais, surtout avec New Poppies. New Poppies, on a fait pas mal de télé. Et puis même avec les Poppies, on a chanté avec Céline Dion, avec Shaim. Et plein d'autres artistes. Hugo Frey aussi. On a chanté avec El Segarra, on a fait Kenji Girac, on a fait une émission de télé avec Cyril Hanouna. Et il y en a plein d'autres que j'ai sûrement pas en tête, mais voilà, on a beaucoup accompagné des artistes. Et ça, quand on est jeune, c'est aussi extraordinaire de voir des gens qu'on voit tout le temps à la télé, de pouvoir partager un moment avec eux, c'est fou. Tu partages des moments avec tes idoles, c'est incroyable. Mais ce sont eux qui vous demandent. Ou la production télé. Ouais. Mais c'est un plus dans l'activité d'une chanteuse ou d'un chanteur que de se faire accompagner par les petits chanteurs d'Anières. Et puis quand les artistes nous demandent, ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, ça, tout le monde le voit et ça fait plaisir. Quelle sensation on a quand on se retrouve sur scène, dans une grande salle de concert, au sein d'une chorale plutôt festive et entraînante, ou bien sur le plateau d'une émission de variété que toute la France regarde, avec Guy Lux ou Michel Drucker. Pour procéder de la télévision, c'est assez impressionnant. Croiser des gens comme Claude François, Mireille Mathieu... Et puis, bon, peut-être plus dans mes goûts musicaux, Julien Clerc. C'est vrai que, Julien Clerc à ses débuts, quoi. La Californie, cet album-là, Let the Sunshine, enfin, juste après Hair, quoi. Même Gérard Lenormand, qui a chanté Hair aussi. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon, quand on est gamin, c'est impressionnant. Alors, ça fait quelques mois qu'on n'a pas chanté cette chanson, qui est quand même une chanson importante pour le groupe. Ouais. Alors, je redonne. On va commencer par le refrain, donc ça fait donc. Essayez de me faire une fois. Et 1, 2, 3, 4. Les autres, là, c'est un peu timide, mais vous allez faire la mélodie, bébé. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac, par exemple, quand t'as un solo à faire, Maxime? En fait, j'ai pas peur de me présenter devant les gens. En fait, j'ai juste peur de louper. J'ai peur de, au bout d'un moment, faire une fausse note ou que ma voix déraille, comme ça. Et je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai quand même peur. Chaque fois que les petits chanteurs d'Anières se présentent devant un public ou devant des caméras de télévision, vous avez travaillé tout ça à fond. Oui, oui. Oui, juste avant, on se rassure et tout, on se calme, on parle, on se dit que ça va bien se passer. Et ça se passe bien. Oui, je pense qu'il n'y a jamais eu un concert qui s'est mal passé. Thomas, Robin. Oui. Est-ce que vous connaissez un sentiment qu'on appelle le trac? Ah oui, on connaît bien. On connaît très bien. Je peux en parler en quelques mots. À mon premier gala, j'avais très mal au ventre. Je pleurais même de trac. Oui. Et en fait, une fois que les rideaux s'ouvrent, t'es complètement décontracté et tu kiffes ton moment, en fait. Alors aussi, pour notre premier gala, ce qu'il y a au gala, donc du coup la majorité des chansons sont pour le groupe chantant, il faut aussi ce qu'on appelle une chanson pour les petits nouveaux. Et c'est la première fois que j'ai chanté en soliste devant tout le monde. Et alors? Au début, ouais, c'est stressant, parce qu'on connaît l'ordre des chansons. Dès que plus la chanson se rapproche, plus c'est dur. Au final, on descend les marches pour aller jusqu'à la scène, on monte, et une fois qu'on est sur scène, c'est fini en fait. Ça, c'est comme si c'était envolé. On est concentré et on fait notre boulot. Moi, c'est ce que je dis toujours des enfants, même à ceux d'aujourd'hui. Hein. Ils ont leur moment où on leur dit sérieux, on monte sur scène, ou les moments sérieux, on a une télévision, donc on monte sur un plateau. Ils le font, ils font ce qu'on leur dit, ils sont contents de le faire, mais après, ils redeviennent tout de suite enfants derrière. Et ça, c'est magique. Daniel Danglars, et les effets de la gloire, de la lumière? Ça, mon père m'a toujours préservé de ça, m'a dit « Fais attention, Daniel. » Bon, puis moi, j'avais pas la grosse tête. Hein. Mais voilà. Ça arrivait à d'autres? Oui, oui, oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, oui. Bah ça dépend des parents. Hein. Là, c'est les parents. Hein. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Mais à l'époque, c'était déjà le cas. Les parents, il y a des gamins, qui ont eu des mauvais passages, quoi. Hein. Il y a vraiment des gens, des gamins pour qui ça s'est pas très bien passé, voire même très mal passé. On nous a toujours appris, Yvette et Jean, qui sont les fondateurs, enfin les dirigeants de cette chorale, à faire la part des choses. Donc c'était toujours présenté comme étant une chance de faire des émissions télé, de faire les choristes pour un chanteur. Voilà, c'était une chance, c'était de pouvoir vivre une expérience. Par contre, à aucun moment, on nous disait, voilà, vous faites partie du show business. On faisait les devoirs dans les coulisses en attendant d'enregistrer une émission. Yvette avait à cœur qu'on fasse nos devoirs. Voilà. C'était l'esprit de cette chorale. On gardait les pieds sur terre, complètement. Oui, mais vous montez sur un plateau de télé, il y a les projecteurs, il fait chaud, les grosses caméras, enfin peut-être vous êtes d'une période plus moderne où les appareils se sont miniaturisés. C'est pas l'enfance de tout le monde. Non, c'est pas l'enfance de tout le monde, ça je suis bien d'accord. J'avais conscience de ça déjà à l'époque, mais parce que, encore une fois, on nous a toujours donné la conscience de ce caractère extraordinaire. Nous, enfants, on s'amusait. Je me souviens très bien, j'ai fait la clôture de l'émission Ci d'Action, c'était en 98. Je me souviens comme si c'était hier, on m'avait dit, cette émission, Raphaël, ce soir, c'est l'émission... Puis en plus, on était dans les années 90, donc il n'y avait que la télé, il n'y avait pas Internet. Donc c'était l'émission la plus regardée à ce moment-là, et on m'avait dit, enfin, il y a des millions de gens derrière leur écran, mais pour moi, ça voulait rien dire. Mais rien, je n'avais pas du tout cette conscience-là. Donc moi, quand je suis montée sur scène, j'avais juste à cœur de chanter ma chanson et d'émouvoir. À l'époque, il y avait, je me souviens, il y avait les To Be Free sur le plateau, il y avait Sheila, il y avait Lynn Renault. Moi, j'avais juste envie de les faire chialer. Pardon, mais c'était vraiment ça, quoi. C'était mon petit défi, mais le reste, je le voyais pas du tout. Est-ce que c'est pas un peu vertigineux de vendre 1 million et quelques de disques quand on a 12-13 ans? Je pense que oui. Et c'est vrai que ça a été une belle aventure pour tout le monde. Et peut-être un petit peu vertigineux pour certains. Mais heureusement, Jean Amoureux, qui était le chef de chœur et le fondateur du groupe, et puis avec sa femme Yvette, qui était la directrice, qui s'occupait un petit peu du bien-être des enfants, ils essayaient de faire tout pour les faire redescendre un petit peu sur terre et que ça reste des enfants et qu'ils n'aient pas d'un seul coup la grosse tête. Et puis quand le succès est parti, se retrouver un petit peu à perdre pied. On fait pas les choses pour vendre des millions de disques. Si ça s'est fait, c'est parce que ça a été une opportunité et puis le hasard, tout simplement. Une surprise. Le but, c'était pas de vendre des millions de disques. Le but, c'est que les enfants s'amusent, vivent une belle aventure humaine. Sinon, vous faites oui, oui, pour prier. Vous le faites en dessous. Pour prier, oui, pour prier, pour prier, oui, pour prier. Mais ça ne va pas être joli. Faut mieux laisser les sopranes 3 à do le faire. Pour prier, pour prier. On y va? 3, 4 et 1, 2. Pour prier, oui, pour prier, pour prier, oui, pour prier. Attention que le oui, les réponses, ne pas tarder. Hein. Donc, traînez pas sur... Pour prier, oui, pour prier, pour prier, oui, pour prier, pour que vous soyez bien dedans. Vous êtes toujours resté proche des petits chanteurs d'Anières, Daniel Danglars, alors que le plus souvent, il y a ce phénomène... terrible qui s'appelle la mue, qui survient et l'aventure s'arrête. Alors, ça dépend de la voie de départ du gamin. Puis ça dépend aussi de d'autres circonstances. Techniquement, si un gamin est soprane et garde sa voix, soprane, c'est-à-dire une voix aiguë, et garde sa voix assez longtemps, vous le quittez au mois de juin, vous le retrouvez au mois de septembre, il est baryton et il a mué. On a vu des gamins muer en un mois ou deux. Hein. Ça, c'est entre guillemets terrible. Traumatisant. Après, pendant un... je pense, oui. Et après, le gamin, il a un temps où il faut pas qu'il force trop sur sa voix, parce que sinon, c'est pas lui esquinter la voix. Moi, j'étais alto, comme d'autres. Et alto, après, en principe, on mue progressivement. Et je me suis retrouvé dans les voix d'hommes, dans les ténors. Donc, ce qui est une suite logique quand on est alto, quand on a une voix un peu basse étant gamin, bizarrement, une voix un peu haute étant adulte. C'est souvent le cas. Puis après, il y a des gamins qui quittent la chorale. Bon, ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a les études, il y a aussi... on n'a plus envie, on en a marre, on a assez chanté, etc. Bon, voilà, ça, c'est... Moi, je suis resté jusqu'en 97. Moi, j'étais soprano, donc je chantais dans les plus aigus. Et j'ai mué très tôt. Je devais avoir 11 ou 12 ans quand j'ai commencé à muer. Et brutalement? Non, ça s'est fait assez progressivement. Mais ça s'est pas fait non plus en plusieurs années, en 6 mois, 1 an peut-être, j'ai mué. Et du coup, après, Christian a passé d'abord en soprane 3, donc avec les voix d'adolescents qui muent, et après ensuite en alto, encore un peu plus grave. Et c'est là où je suis encore aujourd'hui, avec ma voix et avec ceux qui me correspondent. T'es alto, là, avec une voix comme ça? Alto. Ah oui. Après, il y a les voix d'hommes, et les voix d'hommes, ils ont des testitures à eux, il y a des voix d'hommes qui sont... ténor 2, ténor, c'est bariton. Les plus aigus. Après, ensuite, il y a bariton et basse, je crois. Observer, vous optez plutôt pour la manière douce. Oui, bah oui, il faut que ça reste un plaisir, oui, bah heureusement, pour que les enfants ils soient contents de venir. Même si on a des fois voilà, on veut être un petit peu professionnel et essayer de faire les choses le mieux qu'on peut. Un minimum de discipline. Voilà, donc un minimum de discipline et surtout quand bon, il y a des échéances qui arrivent et qu'il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Donc effectivement, des fois, je peux hausser la voix et puis gronder un petit peu. Mais en règle générale, voilà, j'essaye d'être cool, comme disent les enfants. Ouais, ils vous le rendent. Oui. Non, et t'attaques derrière, ça prend le temps de respirer. Toi, t'as le droit de respirer, les autres, ils ont pas le droit. Encore une fois, essaye de me le chanter un petit peu plus, pas trop, toi. Plus swingé, hein, c'est un petit peu ternaire ce truc-là, donc tu swingues un petit peu, et pas toi, ce sont carrés comme ça. À Asnières, Daniel Danglars, les méthodes de travail sont un peu particulières parce que tout se fait de tête. Il n'y a pas de partition. Enfin, c'est pas interdit de connaître le solfège, mais c'est pas exigé en tout cas. Jean recrutait des gamins. Le gamin arrivait au local de répétition. Donc, il écoutait, il disait, écoute, tu t'assois, voilà. Et puis, ça suivait son cours. Et etc. Et il assistait à la répétition, le gamin restait ou restait pas, mais ça se faisait comme ça, le recrutement. Donc inutile de vous dire que le solfège, on savait. Moi, je m'en suis un peu intéressé après, mais bon, les grilles d'accords, voilà, les choses très très banales. Mais sinon, le solfège en lui-même, c'est pas un truc passionnant. Et effectivement, on apprenait tous les chants d'oreille. Et on apprenait vite. C'est vrai que au bout d'un moment, l'oreille, le cerveau, enfin, je sais pas, le fil qui relie l'oreille au cerveau se faisait à ça et on apprenait assez vite, hein, y compris les voix d'hommes, hein, d'ailleurs, y compris les choristes hommes. Et le groupe acquiert assez vite une cohérence. Ouais, il y a un son. C'est magnifique de chanter. C'est magnifique d'entendre toutes ces voix en harmonie totale. En plus, on a une qualité dans cette chorale de justesse et on a des chansons magnifiques. Je peux pas vous expliquer la sensation que ça vous procure d'une espèce de symbiose en tous ensemble, en fait. C'est incroyable d'entendre toutes ces voix qui chantent vraiment en accord ensemble. C'est vraiment magnifique. C'est surtout beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions. Quand on est enfant, on peut se dire que c'est dur pour un enfant de rester concentré. Et puis on le faisait, on restait. On pouvait rester des heures à travailler un texte, une musique, mais en fait je crois que on était tous absolument animés par le chant et passionnés par ça, et vraiment tous quand on chante, on se regarde et d'un air entendu, on sait que ce qu'on vit là, c'est quelque chose qui nous dépasse, quoi. Donc on peut répéter très longtemps, mais on le fait avec bonheur. À votre avis, grosso modo 8 ans que vous êtes au Petit Chanteur d'Asnières, vous avez intégré combien de chansons à votre propre répertoire? J'ai l'impression que vous apprenez plutôt très vite, ouais. Alors même qu'il n'y a pas de partition, ouais. On ne lit pas la musique. Ouais. J'en connais 80. Ouais. J'aurais dit plus, mec. Plus? Ah ouais, j'aurais dit 150, 200 limite, genre. 200? Non, peut-être pas, mais genre, 150, pas entièrement, ouais. Entièrement, mais il y a des musiques. Avant même d'entrer à la chorale, je les connaissais parce que j'écoutais les CD déjà. Et ouais, avant même d'entrer à la chorale, j'en connaissais peut-être une vingtaine. J'allais au gala toutes les années. À la fête de la musique à Asnières, j'y allais. J'allais au marché de Noël. Du coup, avec toutes ces années, ouais, 150, je pense, facile. Pas entièrement à chaque parole, mais je pense, ouais, les titres, les mélodies, ouais, tout 150, ça combiné, ouais, on peut en trouver, ouais. 150, je pense. Pourquoi est-ce que vous aimez chanter? C'est une très bonne question. C'est vraiment bien d'arriver, de voir tout le monde, de chanter tous ensemble, les mêmes chants, les chants qu'on aime, qu'on apprécie tous. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on aime encore plus chanter que si on chantait tout seul dans notre coin. En fait, c'est comme si on chantait en famille, en fait. Tu les vois tout le temps. Ça procure pas mal d'émotions aussi de chanter avec ta deuxième famille, tous tes potes que tu vois tout le temps. Vous êtes peut-être scolarisés ensemble ou pas loin? Pas loin, oui, pas ensemble malheureusement. Heureusement, voilà, aussi, parce que sinon, ça aurait été le bordel. Ouais, une scolarité qui serait envolée. Voilà, mais non, on est pas très loin, on est à 10 minutes. Quelles sont vos chansons préférées dans le répertoire des petits chanteurs d'Anières? Bah, pour moi, ce serait Merci Jean, parce que Jean, c'est le créateur de la chorale, et quand on chante ça, il y a vraiment énormément d'émotions. Et moi, je dirais Merci Jean. Et si je comprends bien, les petits chanteurs d'Anières sont très au courant de l'histoire du groupe et de l'aventure des Puppies et du succès considérable que ça a pu avoir. Bah, on a de la chance d'avoir encore des anciens qui viennent, qui nous racontent tout ce qui s'est passé avant, toutes les histoires. Donc on perpétue la tradition et on fait ça aux jeunes maintenant qui sont là. Ouais, on a la chance d'avoir encore des anciens Puppies comme Bernard, qui est le photographe pour la chorale, qui nous a beaucoup expliqué de comment ça se passait à l'époque. Et après, voilà, on a toujours cette maison qui a été déjà à l'époque. On fait toujours les mêmes activités, toujours les mêmes jeux. Et on essaye d'expliquer aux plus jeunes comment ça se passait avant et voilà, d'essayer de reprendre le flambeau. Il y a une transmission. Voilà. Ouais. Bah, nous, par exemple, on est passé animateur à cette colo. Avant, on était encore petits, donc c'est les grands qui s'occupaient de nous. Et là, c'est à nous de le faire et on perpétue la tradition. Thomas, quelle est ta chanson préférée dans le répertoire des Puppies? Oula, oh là, il y en a beaucoup. Alors, dans le répertoire des Puppies... Des petits chanteurs. Oui, aussi des chanteurs, mais alors... je vais dire, on va dire un peu la Marseillaise des Puppies, on va dire Non, rien n'a changé. C'est ma chanson, on va dire coup de cœur, quoi. C'est celle que j'ai écoutée quand j'étais tout petit, celle que mes parents m'ont fait écouter, pareil... Pour moi, Non, rien n'a changé, c'est la chanson qui fait la renommée des Puppies, des chanteurs d'Anières. C'est vrai que c'est un petit peu notre Marseillaise à nous. Hein, comme disait Jean Amoureux, c'est la Marseillaise des petits chanteurs d'Anières, cette chanson, Non, rien n'a changé. Et puis, à chaque concert, on nous la réclame. Donc voilà, on peut pas faire autrement. Non. Celle-là, Non, rien n'a changé, Isabelle, je t'aime, ça aussi, ça fait partie des grands succès. Puppies et on est obligé de les faire. Les petits chanteurs d'Anières et les Puppies, avec Christian Germain, chef de chœur, Dani Risato, cuisinière bénévole, Thomas Louisy et Raphaël Danglard, anciens petits chanteurs, Daniel Danglard, ancien des Puppies, Luc Risato, président de l'association Les Petits Chanteurs d'Anières, Léon, Alban, Maxime, Robin, Thomas, petits chanteurs. Merci aux bénévoles de l'association Les Petits Chanteurs d'Anières et bien sûr à tous les petits chanteurs. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran, archivina Marine Decamp, prise de son Yvan Turc, Johan Vincent et Emmanuel Morse-Duncan, mixage Pierrick Charles. Si on chantait, Marie-Laure Ciboulet, Olivier Chaumel. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter les jours de nostalgie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout, tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, Twitter et même Instagram, on sera ravis de communiquer avec vous. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, le chant diphonique des steppes. Mais en attendant, restez à l'écoute.